Comme vous voyez, je n'ignore rien, prince. Vous vous êtes abaissé. Vous avez passé un mois et peut-être plus en compagnie de Nastassia Philipovna, de cette femme déchue. Oui, une femme déchue, sans morale ni honneur. Elle a été la maîtresse de M. Totski. Elle s'est vendue pour 100 000 roubles à ce fils de marchand, parfait Rogojine. Elle... Aglaé se tut. En prononçant ces paroles dures, il avait pâli. On aurait dit qu'une mince couche de plâtre avait recouvert ses traits. Elle se leva brusquement, saisit son sac. Je pensais une seconde qu'elle allait partir sans me dire adieu, elle n'en fit rien. Elle me sourit avec dédain et s'assit de nouveau sur le banc. Après tout, cela m'est égal, Léon Nikolaïevitch. Vous êtes libre de vous accoquiner avec qui vous voulez. Même avec cette créature. Vous êtes injuste envers moi. Et envers cette malheureuse Aglaé Ivanovna. Comment pouvez-vous parler ainsi d'une femme qui se perd? Savez-vous qu'elle se croit l'être le plus vicieux, le plus misérable du monde? Non, ne la méprisez pas, ne lui jetez pas la pierre. La pensée de son déshonneur immérité l'écrase. Mais au fait, de quoi est-elle coupable? D'avoir été salie lorsqu'elle avait à peine 16 ans par un vilain monsieur? Cependant, elle se considère comme une grande pécheresse. Je l'ai recueillie, Aglaé. J'ai essayé de la raisonner, de lui prouver qu'elle était simplement la victime d'un misérable débauché. Et tout cela en vain. Un mois plus tard, elle s'est enfuie. Pour me prouver qu'elle était une mauvaise femme. Avec quelle chaleur vous parlez d'elle. Et avec quelle insistance vous prenez sa défense. Et ce qui est encore plus grave, c'est qu'elle ne sait probablement pas elle-même ce qu'elle fait. Oh, je ne le pense pas, prince. Au contraire, je suis certaine qu'elle sait parfaitement ce qu'elle fait. Je le regrette pour vous. Vous avez peut-être raison. Toujours est-il que, si elle s'est enfuie de chez moi, c'est parce qu'il avait envie de faire quelque chose de répréhensible, quelque chose de déloyal, pour pouvoir se dire ensuite, tu as accompli une vilenie, par conséquent, tu es une mauvaise femme. C'est possible, mais cela ne change rien. Cabotine ou dépravée, elle ne suscite en moi aucune indulgence. Cependant, elle la mérite, Aglaé. Votre Nastassia Philipovna mérite, prince. Je peux même dire qu'elle me répugne. Oh, Aglaé, ne dites pas cela. Vous ne la comprenez point. D'où cette opinion sommaire que vous avez d'elle? Savez-vous que le fait de se rendre continuellement compte de sa propre déchéance lui procure une sorte de plaisir monstrueux, comme s'il voulait se venger de quelqu'un ou de soi-même? Parfois, à force de la raisonner, je réussissais à la convaincre qu'elle était une femme un peu bizarre, mais foncièrement honnête. Et un timide espoir se glissait dans son âme tourmentée. Mais aussitôt après... Mais aussitôt après, Léon Nikolaïevitch? Aussitôt après, elle se révoltait. Et elle m'accusait avec amertume de me placer trop au-dessus d'elle. Lorsqu'à la fin, je lui ai proposé de l'épouser, elle m'a répondu qu'elle n'avait que faire de ma commisération, qu'elle ne désirait point qu'on l'élevât jusqu'à soi. Ainsi, vous avez également tenu des sermons à Nastassia Philipovna. Non. Le plus souvent, je me taisais, de crainte de la heurter, de la blesser encore plus profondément. Car elle avait tout deviné. Deviné quoi, prince? Que je la plaignais seulement, et que je ne l'aimais pas. Et cela la faisait terriblement souffrir. C'est pure supposition de votre part. Et vous attribuez sans doute sa fuite à un sentiment de désespoir. Mais en réalité, vous ne savez rien. Il se peut qu'elle se soit vraiment éprise de ce propriétaire terrien avec qui elle s'est enfuie de chez vous. Ce n'est sans doute pas le désespoir qui l'a guidée, mais tout simplement le désir de rejoindre ce monsieur. Mais cela ne peut pas être, Aglaé, puisqu'une fois chez lui, elle n'a fait, paraît-il, que le railler méchamment. Ne s'est-elle jamais moquée de vous, Léon Nikolaïevitch? Non. En tout cas, je ne m'en suis pas aperçu. Vous ne vous en êtes pas aperçu. Vous êtes ridicule, prince. Et votre bonté, votre compassion, comme votre innocence me font rire. Savez-vous que cette femme honnête et outragée, selon vous, par un sale dévergondé, m'écrit presque chaque jour? Ça ne m'étonne pas. Je vous ai déjà dit qu'elle ne jouissait pas de toute sa raison. Voici ses lettres. Lisez-les. Lisez-les bien. Je ne veux pas les lire, Aglaé. Je ne les lirai pas. Oh, toujours ces trains, c'est horrible. Non, je ne lirai pas ces lettres. C'est bien, alors je vous dirai ce qu'elles contiennent. Nastassia Philipovna veut que je me marie avec vous. Elle me supplie de le faire. Mais c'est insensé. Pas tellement, prince. Elle prétend que vous m'aimez. Et elle est sûre qu'il n'y a que moi qui puisse vous rendre heureux. Qu'en dites-vous, Léon Nikolaïevitch? C'est une preuve supplémentaire de sa démence. Et que tout ce qu'elle fait, elle... Je voulus poursuivre. Mais ma bouche était sèche et mes lèvres tremblaient. Je tirai de ma poche un mouchoir pour essuyer mon visage en sueur. Vous n'allez tout de même pas pleurer, Léon Nikolaïevitch? Non, non, Aglaé, rassurez-vous, je ne pleurerai pas. C'est bien. Mais moi, que dois-je faire? Je ne veux pas recevoir de telles lettres. Elles m'offensent, me remplissent de colère. Je vous en supplie, Aglaé, laissez-la tranquille. Je lui dirai qu'elle ne vous écrive plus. Mais alors vous voulez la priver du seul moyen d'exprimer son amour pour vous? Vous n'avez pas de cœur, prince. Car au fond, ces lettres ne sont que des cris déchirants de son amour pour vous, prince. Oh, Dieu sait que je donnerais ma vie pour la tranquilliser et la voir, sinon heureuse, du moins apaisée. Mais je ne puis l'aimer, et elle le sait, Aglaé. Vous ne pouvez pas, admettons. Mais vous pouvez vous sacrifier, vous, que le sacrifice et l'abnégation hantent. Et ne m'appelez pas Aglaé, c'est la cinquième fois peut-être que vous m'appelez ainsi. Que disais-je? Oui, vous n'en êtes pas à un sacrifice prêt. Vous vous sacrifiez comme les autres mangent ou boivent. Vous devez donc partir avec elle pour la sauver d'elle-même. J'ai essayé de le faire une fois, cela n'a rien donné. Au contraire, cela a tout aggravé. J'ai compris qu'unie à moi, Nastassia Philippovna périrait inéluctablement. Vous croyez? Vous prétendez qu'elle m'aime. Alors, comment a-t-elle pu me faire endurer de telles épreuves lorsque nous logeons dans le même appartement? Non, non, non, non, non. Non, il s'agit de tout autre chose que d'amour. Permettez-moi de me taire un moment et de reprendre un peu de force. Je me sens très fatigué. Oh mon Dieu, comme vous êtes pâle. Dois-je appeler quelqu'un, Léon Nikolaïevitch? Vous n'allez pas avoir une attaque au moins? Non, non, non, non, non, ce n'est rien. Je suis seulement fatigué. Très fatigué. Restez à côté de moi. Et donnez-moi votre main. Voilà. Voilà, c'est passé. Que disais-je? Ah oui. Lors de ces épreuves qu'elle m'infligeait, nous parlions souvent de vous, Aglaé. Et c'était là les moments bénis, les moments... Vous parliez de moi avec Nastassia Philippovna? Oui. Plongé que j'étais dans les ténèbres, il me semblait en évoquant votre nom voir poindre l'aube de temps meilleur pour moi. Et cependant, je ne me croyais pas autorisé à courir vers vous, Aglaé. Je me sentais comme enchaîné à Nastassia Philippovna. Et je serais resté auprès d'elle des années, toute ma vie, si elle ne s'était pas enfuie. Non, je comprends. C'est pour elle que vous êtes revenu à Saint-Pétersbourg. Oui, c'est vrai. Je suis revenu à Saint-Pétersbourg pour Nastassia Philippovna. Aglaé se leva. De toutes petites rides recouvraient son front. Une flamme insoutenable alluma ses yeux. Il agita les bras, puis les ramena avec effort vers ses hanches. Puisque vous prétendez que cette femme est malade, qu'elle est folle, je vous prie de prendre ces lettres et de les lui rendre de ma part. Et si elle se permet de m'adresser encore ne fût-ce qu'une ligne, je me plaindrai à mon père et on la mettra dans un asile d'aliénés. Ce n'est pas vrai. Vous ne pouvez pas éprouver pour cette malheureuse de tels sentiments. Si, c'est vrai, prince. Et pour elle, j'éprouve. Ah, c'est vous, maman. Eh bien, sachez que j'aime Gabriel Ardalionitch et que je l'épouserai sans tarder. Et que ce mariage célébré... Je ne resterai pas une minute de plus à la maison, là. Êtes-vous content? Votre curiosité est-elle satisfaite? Non? Pas encore? Eh bien, tant pis, la mienne l'est. Et maintenant, adieu, prince. C'était L'Idiot. Un feuilleton de Georges Govy inspiré de Dostoïevski, avec Pierre Vanek, le prince Michkine, et Ginette Taffin, Aglaé. Musique d'Edgar Cosma. Production réalisée dans les studios de la RTF à Nice par Yves Dariet, avec la collaboration de Jacques-Élie Moreau et le concours de la troupe dramatique régionale.